wesh. Qu'est-ce que tu fais, c'est la dèche. Et quand tu es dans le love, tu laisses ton frérot, tu toujours le flèches. Toujours fumeur souriant. Fumeur souriant. J'fais des clins d'œil à Cendrillon. J'veux pas de bisous, qu'elle me semble brillant. Elle me prend pour un con, mais j'suis pas un client. J'suis pas un client, j'suis pas un client. J'suis pas un client, j'suis pas un client, j'suis pas un client. J'suis pas un client, j'suis pas un client, j'suis pas un client, j'suis pas un client. J'ai mis le parfum quartier. Casé, je suis chez moi, je n'arrive plus à partir. Je me considère comme toi et non pas comme un artiste. J'étais sur le côté, je m'en retrouve dans la partie. Je fais jamais le pas pour l'instant, moi ça va la baisse. J'ai ma tambille, c'est pas moi qui va tourner ma veste. Propager les minutes de 19, j'envoie la mine. Et pour la moula, ben moi je passe dans le 14ème. Bla bla bla, fais pas le mec de la thèse. Je fais le son en direct de la part des impesses. Tu veux ma vie, c'est dur, tu veux driver une hôtesse. Je suis là, j'attends, si tu veux venir me test. Toujours tu meurs souriant. Bla bla bla, fais pas le mec de la thèse. J'fais le son.